prières violettes et déjeuner qu'ils ont cheminé. Jade était rouge, tout tachetée, un peu Paul Smith, sans le faire exprès, belle à aimer. Médiocre, qu'aurait-il pu faire? Faire le premier pas sans qu'elle le repère et l'embrasser sans s'embarrasser des bruyères violettes du sentier d'été. Mais il n'a rien tenté. Pierre, timide et allé, n'aime pas Cupidon et ses flèches dorées qui ne sait pas tirer. Pourtant, il l'a bien atteint et la trace de Jade jamais ne s'éteint sur son torse bombé. Mais là, qu'aurait-il pu faire? Faire le premier pas sans qu'elle le repère et l'embrasser sans s'embarrasser des bruyères violettes du sentier d'été. Mais il n'a rien tenté. Sentit le vent qui lui murmurait de faire le premier pas, que ce petit bonnet n'osait pas tenter et qu'il regretterait de nombreux étés. Médiocre, il n'a rien pu faire, il la laissa faire sans s'embarrasser. Aspirer.